الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc toujours avec le livre que nous avons commencé la semaine dernière, qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, c'est-à-dire les trois bases et ses preuves. L'auteur, il nous dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre points. Le premier point, la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion musulmane avec ses preuves. La deuxième chose, al-amalubi, c'est-à-dire le fait de mettre en application cette religion ou bien cette science. Troisième chose, al-da'watu ilay, le fait d'appeler à cette religion. Al-rabi'atu, al-sabru al-adhafi, c'est-à-dire le fait de patienter au mal qui peut nous atteindre, donc lorsque l'on fait toutes ces choses-là, lorsque l'on essaye d'acquérir la science, de l'appliquer et d'appeler à l'islam. Et la preuve de l'obligation de ces quatre points est Sourate Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Asr, par le temps, inna l'insana lafi khusr, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont cru, accompli les bonnes œuvres et se sont recommandés mutuellement la vérité et se sont recommandés mutuellement la patience. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait fait descendre comme argument sur ces créatures que cette sourate, ça leur aurait été suffisant. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a un chapitre dans son livre al-Sahih, dans Kitab al-Ilm, où il dit, chapitre, la science avant la parole et l'acte. Babul qawli, l'ilm qabl al-qawli wa al-amal. Et la preuve à cela est le verset de Surat Muhammad où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik, c'est-à-dire sache que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc de connaître et d'apprendre avant même de parler et d'agir. وصلنا إلى يعني ما زلنا في بداية الكتاب وهو قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقلنا الأولى العلم. ويقول المصنف أن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه المسألة الأولى التي يجب علينا أن نتعلمها، ومما ذكرناه الأسبوع الماضي أن في العلم ما هو واجب عيني ومنها ما هو واجب كفائي، فليس العلم كله واجب على كل مسلم، وإلا لو لم يكن الإنسان عالما لكان آثما، وهذا لم يقل به أحد. ولكن هناك مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها، منها يعني مسائل التوحيد، منها مسائل الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه مسائل الإيمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم كما روى ذلك الإمام ابن ماجه فريضة على كل مسلم وعندما سئل الإمام أحمد رحمه الله يعني ما الواجب من العلم على كل المكلفين فقال رحمه الله ما يقوم به دين الإنسان ما يقوم به دين الإنسان قيل له يعني مثل ماذا قال مثل الصلاة ومثل الصيام فالعبادات التي يباشرها الإنسان وجب عليه أن يتعلم أحكامها مثلا كل واحد منها الآن يتوضأ فلابد لكل واحد منا أن يعرف أحكام الوضوء وكذلك نواقض الوضوء كذلك الصلاة أحكام الصلاة من يصوم لابد أن يعرف أحكام الصيام من كان من أصحاب الزكاة كذلك عليه أن يعلم أحكام الزكاة من كان تاجرا لابد أن يعرف أحكام البيوع من كان متزوجا لابد أن يتعلم أحكام الزواج وهل مجرى هذه الأمور التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها والعلم إذا أطلق ينصرف إلى العلم الشرعي إذا قيل العلم فالذهن ينصرف إلى العلم الشرعي دون غيره فإذا قرأتم الآيات والأحاديث النبوية التي فيها الحث على طلب العلم إنما العلم هو العلم الشرعي الذي مصدره الوحيان الكتاب والسنة فعندما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم العالم يعني لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عالم الفيزياء أو الهندسة أو الطب النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني من كان ذا علم شرعي وفضل يعني العلم جاء في نصوص يعني كثيرة جدا وسنقتصر على يعني بعضها قال الله عز وجل في كتابه في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله عز وجل قرن بشهادته وشهادة ملائكته شهادة يعني أهل العلم فهذا يدل على شرف أهل العلم وعلى شرف العلم يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله تبارك وتعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء هذا يدل على شرف العلماء وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه وقل رب زدني علما قال الإمام القرطبي أيضا لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم وكذلك يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا يدل على أن العلم سبب من أسباب خشية الله تبارك وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أحاديث كثيرة إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم له لماذا؟ لما يحمله صلى الله عليه وسلم من معرفة الله تبارك وتعالى وقال معاوية ابن أبي سفيان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والفقه هنا يعني أعام مما يعني نفهمه نحن من الفقه لا الفقه هنا بمعنى الفهم يعني الله عز وجل إذا أراد عبده خيرا أفهم له دينه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع فقد حرم الخير. فقد حرم الخير. ونختم بحديث، والأحاديث كثيرة في فضل العلم والعلماء، وألفت كتب، يعني في فضل العلم، ألفت كتب ومجلدات في فضل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن أراد دخول الجنة فمن طرق الطرق التي توصل يعني صاحبها إلى الجنة طريق إليه. Donc la première chose qu'a cité l'auteur, donc il faut que chaque personne apprenne la science. Et donc au dernier cours nous avions cité que parmi la science il y a des choses obligatoires et des choses surérogatoires. Donc, parmi les choses obligatoires il y a par exemple les choses liées à la croyance musulmane, les choses liées à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman n'a pas le droit d'ignorer ce qu'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'ignorer son contraire qui est l'association. Il y a beaucoup de gens, ils tombent dans l'association parce qu'on dit « Hada haram ou hada shirk ou hada mukhrijun min al-millah kuma kuntu adri » Je ne savais pas que ça se faisait sortir de l'islam, que c'était interdit, que c'était le pire des péchés. Non. Ça, c'est les choses que chaque musulman et chaque musulmane doivent savoir, car c'est le sens de « La ilaha illallah ». Également, les choses liées à la foi, comme les six piliers de la foi, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour dernier. Donc également, c'est des choses que chaque musulman doit connaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, il nous dit que le fait de rechercher la science est une obligation pour chaque musulman. Et l'imam Ahmed rahimahullah, lorsqu'on lui posait la question, qu'est-ce qui est obligatoire parmi les choses de la science, il a dit les choses dont l'homme, dont la personne a besoin pour bâtir sa religion. C'est-à-dire donc la croyance, la prière, le jeûne. Donc les choses que le musulman côtoie quotidiennement de sa religion, il faut qu'il connaisse ses règles. Il faut que tu connaisses l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu connaisses les règles des ablutions. Il faut que tu connaisses les règles de la prière, les règles du jeûne si tu fais partie des gens qui jeûnent, les règles de la zakat si tu fais partie des gens qui donnent la zakat, les règles du pèlerinage si tu fais partie des gens qui donnent le pèlerinage et qui vont au pèlerinage, les règles du mariage si tu es marié, les règles du commerce si tu es un commerçant, etc., etc. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, كان لا يسمح لأحد أن يجلس في السوق ممن لم يتفقه في الدين. Omar, il interdisait aux gens de s'asseoir ou bien d'être présents au marché s'ils ne connaissaient pas les règles du commerce. Donc la personne, si elle se lance dans la vente et qu'elle ne connaît pas les règles de la vente, ahkam, riba, l'usure, les ventes interdites, les ventes autorisées, il risque de commettre des choses interdites. Donc les choses que la personne côtoie quotidiennement, donc dans sa religion, il faut absolument qu'il l'apprenne. Donc la science, ce que l'on appelle al-ilm, dans de nombreux textes, dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a donc la vertu et le mérite de la science. Et la science, quand elle est citée de manière générale, il faut que tout de suite que le musulman y pense à la science religieuse, c'est-à-dire tirée du Coran et de la Sunna. Il faut en aucun cas que le musulman il pense que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, c'est-à-dire que seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala, que ce sont les savants de la biologie, de la physique, de la médecine, etc., etc. Parmi les erreurs, une fois j'étais dans une mosquée ici en France, c'était la rentrée scolaire, un imam il a fait une khutba sur Fadl al-ilm. Pour la rentrée scolaire, il a ramené tous les hadiths, man salaka tariqan yatami sufi ilm, man salaka. Il ne faut pas comprendre ces textes comme cela. Ce n'est pas la personne qui étudie en CM2 ou en 6e qui emprunte un chemin vers le paradis. Alors qu'on lui apprend au contraire autre chose que des choses qui le font entrer au paradis. Non, c'est les textes du Coran et de la Sunna où il y a les vertus et la valeur de la science, c'est la science tirée du Coran et de la Sunna. Parmi ces textes, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, et témoigne de cela également ses anges et les savants. Qa'iman bil qist, c'est une attestation basée sur la justice. C'est une attestation juste. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a lié son attestation à celle de ses anges alayhimus salam, et en plus il a lié ces deux attestations à l'attestation des savants rahimahumullah, ce qui prouve qu'ils viennent en troisième catégorie après les anges. Et bien sûr, rentre dans les ulama, l'anbiya ou al-rusul, les prophètes. Donc, ce qui prouve la valeur, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, donc qui a tafsir, Jami' al-Ahkam al-Qur'an, il nous dit dans ce verset, il y a une preuve de la vertu de la science et de la noblesse des savants et leur mérite. Car donc, s'il y avait quelqu'un de plus noble que Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait cité dans ce verset. S'il y avait quelqu'un de plus noble que les savants, Allah l'aurait cité dans ce verset. Et Allah, il dit à son prophète, « وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا » et dit, « Ô Seigneur, ajoute-moi de la science. Donne-moi plus de connaissances. » Il dit également l'imam Qurtubi, « S'il y avait une chose plus noble que la science, Allah subhanahu wa ta'ala aurait ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer pour qu'il lui augmente de cette chose. » Je n'aurai jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, dit, oh Allah, ajoute-moi par exemple des richesses, ou bien des épouses, ou bien la ibada, ou bien toute autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah lui a ordonné de dire, qu'ur rabbi zidni ilma. Donc, s'il y avait une chose de plus noble que cela, Allah subhanahu wa ta'ala aurait ordonné à son prophète qu'il demande un ajout de cette chose-là. Et le prophète dit également, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre sa religion dans l'ensemble. L'aqida et le furu' et toutes les choses liées à la religion. Et on peut comprendre de ce hadith que celui donc à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas comprendre sa religion, faqad hurima al-khayr, il a été privé d'un grand bien. Car Allah, il dit, car le prophète sallam dit, man yuridillahu bihi khayran, celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien. Donc ce bien-là, l'homme en est privé s'il ne comprend pas sa religion. Et donc, également, le prophète sallam dit, celui qui emprunte un chemin à travers lequel il demande la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un chemin vers le paradis, rapporté par Muslim. إذن يقول يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن يقول أن العلم هو معرفة الله، والمراد بمعرفة الله هنا هي معرفة الله معرفة شرعية التي تستلزم اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم. فمجرد يعني معرفة الله تبارك وتعالى من غير اتباع ما أرسله الله تبارك وتعالى من الرسل لا ينفع صاحبه، ولهذا المشركون كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى، كانوا يعرفون أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر، ومع ذلك يعني لم تنفعهم هذه المعرفة. والمقصود بمعرفة الله تبارك وتعالى هو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وبصفاته، ومعرفة لربوبيته وألوهيته وما يجب علينا من حق الله تبارك وتعالى. وقلنا كذلك أن المعرفة التي تنفع صاحبها هي التي يعني يترتب عليها اتباع ما جاء عن الله تبارك وتعالى. ولهذا كان إبليس يعرف الله وما يعرف الله، إبليس كان يعرف الله، فرعون كان يعرف الله، ولذا قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال خلقتني، يعني اعترف أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، ولكن هذه المعرفة لن تنفعهما، يعني ما نفعت إبليس ولا فرعون. وهذه المعرفة تكون بالنظر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية. آيات الكونية يعني الإنسان يتأمل في الكون، في السماء وفي الأرض وفي الجبال، قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك الإنسان يعرف الله تبارك وتعالى بالنظر في الآيات الشرعية، الآيات الشرعية، فلا يمكن للإنسان أن يعرف الله تبارك وتعالى يعني حق المعرفة بدون نظر في الآيات الشرعية، ولا لا؟ ولا ممكن؟ ها؟ لا يمكن. طيب الله النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في كتابه أن يخبرك عن بعض صفات له، طيب أنت يعني بمجرد أنك تتأمل في الكون لا تستطيع أن تعرف أن الله تبارك وتعالى مستوي على عرشه، وأن الله تبارك وتعالى له يدان وله وجه، وأن الله تبارك وتعالى يفعل ويفعل من دون نظر في الآيات الشرعية، يعني في النظر في نصوص الكتاب والسنة. Donc la première chose qu'a cité l'auteur en disant la science, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc connaître Allah, c'est-à-dire le fait de connaître Allah et par ses noms et par ses attributs et par ce que l'on appelle al-rububiyya, c'est-à-dire les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-uluhiyya, c'est-à-dire ce que nous devons comme droit envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait de l'adorer seul subhanahu wa ta'ala. Et le but ici, lorsqu'il a dit ma'rifatullah, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'avoir une connaissance qui nous amène à suivre sa religion. C'est pas le seul fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, si cela n'est pas lié ou bien suivi donc d'une soumission à ces règles, subhanahu wa ta'ala, cette connaissance ne sert à rien. Pire encore, cette connaissance risque d'être un argument contre nous, yawm al-qiyam. Iblis et Pharaon connaissaient Allah, également les associateurs connaissaient Allah, subhanahu wa ta'ala, mais lorsque ils n'ont pas suivi donc les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et délaissé ses interdits, cette connaissance ne leur a été d'aucune utilité. Allah dit en parlant de Iblis, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Il dit que Iblis a dit, tu m'as créé de feu et tu as créé Adam d'argile. Donc il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a créé. Donc il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. قَلَ فَبِعِزَّتِكَ. Par ta puissance, par ta grandeur. Donc il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède la puissance et la grandeur. Mais cette connaissance ne lui a été d'aucune utilité du fait qu'il a mécru à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour Pharaon. Qala wa ana rabbukum al-a'la. Il a dit également ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri, parce qu'il a dit je suis votre le Seigneur le plus grand. Et également lorsqu'il a dit je ne connais pour vous donc aucune divinité en dehors de moi. Donc il demandait aux gens de l'adorer. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que au fond de lui-même, il reconnaissait donc la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur. Allah dit wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Et donc cette connaissance ne leur a été d'aucune utilité. Et donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala a lieu par l'observation des signes de la, on peut appeler ça des signes de la nature, en observant les cieux, la terre, les mers, les montagnes, même notre propre corps, tout ce qui nous entoure. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sur terre, il y a des signes pour les gens qui ont la certitude. Wa fi anfusikum, et dans vos propres âmes, dans vos propres corps, il y a également des signes. Afala tubsirun, pourquoi n'observez-vous pas? Et également, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'observer les signes donc des textes religieux dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala une vraie connaissance qu'en observant donc les choses donc de l'extérieur. Ça ne suffit pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous informe de certains attributs, certains de ses noms. On ne peut les connaître sans retourner au texte du Coran et de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. On a dit à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses plus beaux noms. Et puis ces noms-là, tu vas les connaître en observant les cieux, la terre. Non, tout ça en revenant au texte du Coran et de la Sunna. ثُمَّ قَالَ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ. كما قلنا يعني في معرفة الله فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ينبغي أن تكون معرفة شرعية يترتب عليها اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. فمجرد يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع صاحبها. فكثير من الناس الآن أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ سيرته، ولكن شخص ليس بمسلم مثل المستشرقين. المستشرقين درسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة، ولكن هذه المعرفة ما نفعتهم لأنهم ما تبعوا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Donc également le fait de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la même chose que nous avons dit pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une connaissance qui entraîne le fait de suivre son message et la religion avec laquelle il est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le seul fait de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans suivre la religion avec laquelle il est venu, cela ne sert strictement à rien. Donc il y a des gens qui connaissent l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les non-musulmans. Ils connaissent donc la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie de sa naissance jusqu'à sa mort, même l'histoire des compagnons radiallahu anhum, mais cette connaissance n'est d'aucune utilité du fait qu'ils n'ont pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va parler de ça plus en détail. هذه هي الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Donc on va parler de ça plus en détail, car ces trois choses, c'est ça les trois bases: le fait de connaître Allah, de connaître son messager, son prophète, et le fait de connaître la religion de l'islam avec les preuves. هذه الأمور هي الأمور التي يسأل عنها العبد في قبره. فالإنسان إذا وضع في قبره فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما نبيك أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف هذه الأمور الثلاثة: أن يعرف الله تبارك وتعالى، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف دين الإسلام. يقول: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الجملة بالأدلة للشراح، من قال أنها ترجع إلى دين الإسلام، لمعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومن العلماء من قال أنها ترجع إلى كل ما سبق، فمعرفة الله بالأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهنا يعني تلازم بين الثلاث، فمن عرف الله تبارك وتعالى فلا بد أن يعرف أو يحاول أن يعرف من الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتعرف على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام له معنيان: معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام هو دين الأنبياء، فالأنبياء عليهم السلام دينهم الإسلام. ولهذا تجدون في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى يطلق كلمة الإسلام في شرائع من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الله تبارك وتعالى على لسان يعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فذا هو دين الأنبياء، يعني قاطبة هو توحيد الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإسلام الخاص هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا في هذا الكتاب عندما يقول المؤلف: معرفة دين الإسلام بالأدلة، فهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان أن يعرف دين الإسلام يعني أصلا وفرعا بالأدلة. إذن الإسلام نقول دين الأنبياء فكل من اتبع نبيه في وقته فهو مسلم فاليهود في زمان موسى مسلمون واليهود والنصارى في زمان عيسى عليه السلام مسلمون ولكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من اتبع محمدا فهو مسلم ومن لم يتبعه فهو كافر مفهوم فهو كافر لأنه كل من اتبع نبيه في وقته في وقت بعثته فهو مسلم الآن نحن في وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه فهو مسلم ومن لم يتبعه فهو كافر وإن اتبع نبيا سابقا فدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان السابقة ناسخ لجميع الأديان السابقة بل هو الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى سواه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Donc ensuite il dit le fait de connaître la religion musulmane avec preuve. Donc après avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut connaître la religion de l'islam. Donc l'ordre qu'a cité l'auteur, c'est l'ordre dans lequel il faut avancer. Donc on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite on connaît le prophète qui a été envoyé et ensuite la religion avec laquelle le prophète a été envoyé. Et donc l'islam, donc il y a deux sens à l'islam. Il y a un sens général et un sens plus précis. Dans le Coran, vous verrez souvent islam, muslimun, aslamu, etc., etc. Il faut bien comprendre les choses dans leur contexte. Vous verrez le mot islam, ou bien muslim, ou bien muslimoun, ou bien muslimine, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des nations qui nous ont précédés. Lorsqu'il nous parle d'Ibrahim, lorsqu'il nous parle de Moussa, lorsqu'il nous parle et d'autres prophètes également même Youssouf alayhi salam. Donc Ibrahim il dit ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. C'est-à-dire, oh Allah, fais de nous deux, c'est-à-dire moi et Ismaïl, deux musulmans et de notre descendance une nation musulmane. Et Allah il dit également, en parlant de la Torah, يحكم بها النبيون الذين أسلموا. C'est-à-dire, juge avec la Torah les prophètes qui sont musulmans. Et Moussa dit également à son peuple, « Ya qawmi, in kuntum amantum billahi, fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. » Il dit, « Oh mon peuple, si vous croyez vraiment en Allah, remettez-vous à lui si vous êtes musulmans. » Donc comment comprendre ces textes? On sait que l'islam c'est la religion de Mohammed. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala donc nous cite l'islam en parlant des nations qui sont venues avant. Donc la religion de tous les prophètes c'est l'islam. Le fait que tous les prophètes ont appelé à un seul et même message, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul mérite d'être adoré. C'est-à-dire la ilaha illallah. On l'a dit dans le Coran, nous n'avons pas envoyé avant toi de prophète sans que nous lui ayons révélé que nul ne mérite d'être adoré, donc adorez-moi. Donc ça c'est la religion de tous les prophètes. Et lorsque l'islam qui a un sens plus précis, donc c'est la religion avec laquelle est venu notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc chaque peuple qui a suivi son prophète à l'époque à laquelle il a été envoyé est un musulman. Les juifs à l'époque de Moussa alayhi salam sont musulmans. Les chrétiens à l'époque de Isa alayhi salam sont musulmans. Mais après la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont musulmans et ceux qui ne l'ont pas suivi sont mécréants. Donc celui qui suit le prophète à son époque est musulman. Et donc car également l'islam, lorsqu'elle est arrivée, elle a abrogé toutes les religions précédentes. Et à l'heure actuelle, donc c'est la seule religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, inna dina indallah l'islam, la religion auprès d'Allah est l'islam. Et il dit également, celui qui recherche une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. يقول بالأدلة معرفة دين الإسلام بالأدلة والمراد بمعرفة دين الإسلام هي المسائل العقائدية يعني ليس كل دين الإسلام يعني لا يجب عليك أن تعرف دين الإسلام كله بالأدلة وهذا مستحيل المراد بالذي أراده المصنف رحمه الله هو المسائل العقائدية ولهذا أن يقول كثير من الذين شرحوا هذا الكتاب أن التقليد لا يجوز في العقائد التقليد لا يجوز في العقائد وهي مسألة اختلافية من العلماء من قال أن التقليد يصح في حتى في العقيدة في العقيدة يصح أن يقلد الإنسان عالما يثق به ومن العلماء من قال أن ذلك غير جائز لابد الإنسان أن يبحث عن الأدلة في المسائل الاعتقادية والله تعالى أعلم بالصواب فهو أن نقول هل في الأفضل أن يكون الإنسان عالما بالأدلة في المسائل الاعتقادية فالدليل هو ما يرشد إلى المطلوب فكل ما أرشدك إلى المطلوب يسمى دليلا عندما يقول الله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة هذا دليل على وجوب الصلاة هذا النص أرشدك إلى المطلوب وهو وجوب الصلاة هذا يسمى الدليل وآتوا الزكاة ولا تأكلوا الربا كل هذه أدلة تدل على أحكام donc ensuite il dit connaître la religion de l'islam avec les preuves donc les preuves tirées du Coran et de la Sunna c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont expliqué ce livre ils disent que dans la croyance, il n'est pas permis d'imiter quelqu'un. Dans les autres sujets, tu peux poser la question à n'importe qui en disant, en posant des questions sur la prière, en posant des questions sur la zakat, le hajj, etc., etc. Mais dans la croyance, certains savants disent qu'il faut absolument que chaque musulman connaisse ces choses-là avec les preuves. Car c'est les questions qui seront posées dans la tombe. Et d'autres savants disent qu'il est permis, même dans la croyance, donc d'imiter un savant en qui on a confiance, car Allah subhanahu wa ta'ala dit Fas'alou ala dhikri in kuntum la ta'lamoun. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié de sujet, que ce soit fil aqida ou bien dans autre chose que l'aqida. Et également, il y a dit l'imam Nawawi, rahimahullah, Al-ati bi shahadatayn mu'minun haqqan wa in kana muqallidan ala madhhabi al-muhaqqiqin wal jamaahir min as-salaf wal khalaf bal huwa ijma'un li'annahu sallallahu alayhi wa sallam iktafa bit tasdiq ma ja'a bihi wa lam yashtarit al-ma'rifata. C'est-à-dire qu'il dit que celui qui dit les deux attestations est un croyant, et même s'il imite une autre personne. À la mazhab al-muhaqqiqin, car il dit que donc à l'époque des compagnons radiallahu anhum, ils se contentaient pour juger de l'islam d'une personne des deux attestations, sans forcément lui demander qu'il connaisse les preuves de chaque chose, de chaque sujet fi al-mu'taqad. ثم يقول الثانية المسألة الثانية العمل به العمل به يعني العمل بالعلم. فإذا علم الإنسان يعني عرف الله تبارك وتعالى وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف دين الإسلام بالأدلة لابد أن يعمل بهذا العلم. والعمل بالعلم ثمرة العلم، فالهدف من العلم والعمل ليس مجرد يعني اكتساب العلم وطلب الزيادة من العلم من دون عمل. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والله عز وجل ذم في كتابه اليهود عندما يعني أوتوا التوراة فلم يعملوا بها. قال الله عز وجل نعم كمثل الحمار يحمل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فهم أوتوا الكتاب ولم يعملوا به فشبههم الله تبارك وتعالى بالحمار يحمل أسفار. شنو معنى أسفار؟ كتبا. فالحمار الذي يحمل أسفارا كتبا فوق ظهره لا يعرف ما فيها، فالذي أتي كتابا ولم يعمل به فهو شبيه بالحمار الذي يحمل كتبا على ظهره ولا يدري ما فيها. ومن علم علما ولم يعمل به كان ذلك العلم حجة عليه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا تزول أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الله عز وجل يوم القيامة سيستوقف الناس وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني كل واحد منا سيسأل عن أربعة أشياء، منها عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن يعني جسده فيما أبله. وإذا لابد من العمل بالعلم. وقال بعض السلف من عمل بما علم أورثه الله تبارك وتعالى علم ما لم يعلم. الله عز وجل يعني من عمل بالعلم الله عز وجل سيزيده علما آخر. قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Donc ensuite l'auteur a dit le fait de mettre en application cette science. Donc après avoir acquis la science, on essaie de la mettre en application. Donc c'est le but de cette science. Donc le but n'est pas seulement d'acquérir, d'apprendre, de mémoriser et ensuite de ne pas mettre en pratique ce que l'on a appris. Car il n'y a pas de différence donc entre l'ignorant et celui qui connaît si les deux ne mettent rien en application. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit hatafa al-ilm bil amal fa in ajabahu wa irtaha. C'est-à-dire que la science appelle l'acte. Si l'acte lui répond, la science reste, ou sinon, elle s'en va. Donc celui qui désire que sa science, ses connaissances restent avec lui, qu'il mette en application cette science. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il a cité dans surat al-Jumu'ah, ceux qui ont reçu Tawrat et qui n'ont pas mis en application, et il nous dit, ceux à qui on a confié Tawrat et qui ne l'ont pas appliqué sont semblables à un âne qui porterait des livres sur son dos. Du fait que l'âne qui porte des livres sur son dos ne sait pas ce qu'il y a dans ces livres, il ne fait que les porter. Donc la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne la science, il faut qu'il la mette en application. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que le jour de la résurrection, l'homme sera immobilisé. Il ne pourra pas avancer jusqu'à ce qu'il soit questionné de quatre questions. Donc on lui posera la question sur sa vie, dans quoi il a, donc qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie, également sa science, est-ce qu'il l'a mis en application, ses richesses, comment il les a acquises et dans quoi il les a dépensées, et également son corps, dans quoi il s'en est servi. Donc la personne sera questionnée sur la science qu'il a acquise ici-bas, est-ce qu'il l'a mis en application ou pas. Et certains pieux prédécesseurs disaient, celui qui met en application la science qu'il connaît, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une autre science qu'il ne connaissait pas. Car Allah dit dans le Coran, ceux qui sont guidés, Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente donc de la guider en plus. سنذكر نماذج من السلف في تطبيق العمل بالعلم في الصحيحين عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل يقول سالم يعني ابنه فكان عبد الله بعد ذلك يعني بعد أن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا فبمجرد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على قيام الليل عكف على قيام الليل وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة شكت ما تلقى من أثل الرحى من الرحى لطحن القمح فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي يعني سجناء الحرب فانطلقت يعني فاطمة فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها يعني أنها تريد خادما فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يعني إلى بيت علي وفاطمة وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبح 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم الذي يهمنا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه كان يكبر 34 ويسبح 33 ويحمد الله تبارك وتعالى 33 إذا أراد الإنسان أن ينام. يقول ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا إلى صفين. شنو صفين؟ ها؟ طيب معركة بين معاوية بن أبي سفيان، بين علي ومعاوية، بين علي ومعاوية في سنة 37 للهجرة. قيل له قيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، يعني في الحرب كان علي رضي الله عنه إن يقول هذا الذكر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. الحديث في مسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله ما غضبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. أتخيل هو علم أن الغيبة حرام يقول ما غضبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام وإني لأرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وعن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هل في هذا الحديث؟ لا. قال في الحديث قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وبلغني من شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقب كل صلاة. عندما ابن تيمية رحمه الله سمع بهذا الحديث كان يقول هذا الذكر خلف كل صلاة يقرأ سورة آية الكرسي. ويقول الإمام أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. الإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ ألف ألف حديث ومسنده يعني أكبر موسوعة حديثية فيها 40,000 حديث. 40,000 حديث أكبر من البخاري أكبر من مسلم، يعني أكبر موسوعة حديثية مسند الإمام أحمد. يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأعطى أبا طيبة دينارا، والذي يعني عمل له الحجامة، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. كان يعمل بكل حديث كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطى دينارا للحجام كذلك عندما احتجم أعطى دينارا للحجام، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول وكيع إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به. ويعني ترك العمل بالعلم يعني أمر في غاية الخطورة. يعني كل واحد منكم يعرف الحديث الذي فيه الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. منهم رجل يعني قرأ القرآن حتى يقال له قارئ، وقد قيل هو من الأوائل الذين تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله. ويقول الفضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. الله عز وجل في سورة الفاتحة ذكر ثلاثة طوائف، مدح طائفة منهن وذم طائفتين. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم علموا فلم يعملوا، ولا الضالين الضالون هم النصارى لأنهم يعملون ولكن لا علم لهم. فعلى الإنسان أن لا يتشبه بإحدى هاتين الطائفتين، المسلم له علم ويعمل. ولكن مع الأسف يعني معظم المسلمين في هذا الزمان يعني شاب النصارى تعملوا ولكن لا علم لهم، لا علم لهم، الله المستعان. Donc on va citer quelques exemples prouvant que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, les compagnons et ceux qui les ont suivis, mettaient en application la science qu'ils avaient acquis. Salim ibn Abdillah ibn Omar ibn Khattab radiallahu anhuma, il nous dit que il rapporte de son père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya marrajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl. C'est-à-dire quel homme bon est Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, si seulement il priait la nuit. C'est-à-dire le seul défaut qu'il ait, c'est qu'il ne prie pas la nuit. Salim nous dit que Abdullah ibn Omar, après avoir entendu ce hadith du prophète sallallahu kana la yanamu min al-layl illa qalila. Il ne dormait que très peu la nuit. C'est-à-dire qu'il a, à partir du moment où il avait entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il nous dit que Fatima, donc sa femme et la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait que le moulin. Donc elle utilisait un moulin pour écraser les grains afin de faire de la farine. Et donc elle s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle voulait se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela la fatiguait. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait d'une bataille, donc il y avait des prisonniers de guerre. Donc elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un domestique. Elle n'a pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a fait sa demande à Aïcha radiallahu anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, Aïcha lui a raconté ce qu'avait dit Fatima et il s'est alors rendu chez Ali et Fatima. Et il les a trouvés proches, ils allaient dormir et il est rentré chez eux et il leur a dit: je vais vous enseigner ce qui est mieux pour vous qu'un domestique. Lorsque vous voulez dormir, dites 34 fois Allahu Akbar et dites 33 fois Subhanallah et 33 fois Alhamdulillah, cela est mieux pour vous qu'un domestique. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il nous dit: ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce rappel, ce dhikr, je ne l'ai jamais laissé depuis que je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a alors dit: wala lilata siffin, même la veille de la bataille de Siffin entre Ali et Muawiya, il a dit wala lilata siffin, même la veille de une nuit de guerre, il a continué à appliquer ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, il nous dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que chaque musulman qui a une chose à léguer après sa mort doit absolument avoir à côté de lui son testament, et il lui est interdit de passer trois nuits sans que son testament soit écrit à côté de lui. Abdullah ibn Omar dit que depuis que j'ai entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une nuit qui soit passée sans que j'ai à côté de moi mon testament. Donc ça se prouve, les compagnons radiallahu anhum, donc lorsqu'ils entendaient une chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une recommandation, un ordre, ils le mettaient tout de suite en application, et cela pour toute leur vie radiallahu anhum. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, il dit: je n'ai jamais médit sur quelqu'un à partir du jour où j'ai su que la médisance était interdite. El riba, depuis que j'ai su que le riba c'était interdit, je n'ai jamais médit sur une seule personne. Et j'espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne me reprochera pas d'avoir médité sur quelqu'un. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith Abi Umama, celui qui lit Ayatul Kursi, après chaque prière, il n'y a rien entre lui et son entrée au paradis sauf la mort. Lam yamna'hu min dukhul al-jannati illa an yamut. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que il lui est parvenu que son professeur Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: je n'ai jamais laissé donc la lecture de Ayat al-Kursi après chaque prière, donc depuis qu'il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmed rahimahullah également dit: je n'ai jamais écrit un seul hadith sans que je l'ai mis en application. L'imam Ahmed rahimahullah, qui connaissait 1 million de hadiths, et son livre Al-Musnad, c'est le plus gros livre rassemblant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 40 000 hadiths dans le Musnad de l'imam Ahmed, 40 000 hadiths. Et il nous dit: je n'ai jamais écrit un seul hadith sans que je ne l'ai mis en application. Il dit même: j'ai, jusqu'à ce que donc je lise le hadith, ou bien j'écrive le hadith disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait Al-Hijama, il a donné, donc un homme qui s'appelle Abu Tayba, il lui a donné 1 dinar. Donc, comme salaire pour Al-Hijama. Il nous dit: lorsque j'ai fait moi-même Al-Hijama, j'ai donné 1 dinar à Al-Hajjam, donc pour mettre en application le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve que le salaf, rahimahumullah, il mettait en application donc les hadiths qu'ils entendaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, il nous dit: إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به. Si tu veux mémoriser un hadith, mets-le en application. Et le fait de ne pas mettre en application la science est une chose très très dangereuse. Donc il y a le hadith rapporté dans les deux sahihs qui dit que les premières personnes qui seront jetées dans l'enfer, et l'enfer sera attisé grâce à leur corps, ce sont 3 personnes. Donc, et parmi ces 3 personnes, une personne qui a appris le Coran, pas pour l'appliquer, mais afin que les gens disent que Watare, donc c'est une personne qui connaît le Coran. Également, il y a également le Mujahid et celui qui donne, qui fait des dons. Donc ces gens-là n'ont pas donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont fait cela afin donc d'avoir une bonne réputation auprès des gens, et ils seront les premiers à être jetés dans le feu de l'enfer yawm al-qiyamah, ayyadan billah. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, il nous dit que le savant ne cesse d'être ignorant jusqu'à ce qu'il mette en application sa science. La yazal al-alim jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Fatiha, il a cité 3 groupes de personnes lorsqu'il a dit: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est-à-dire, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et des égards. Donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont donc les gens du livre, les juifs, qui n'ont pas mis en application ce qu'ils connaissaient. Ils avaient de la science, mais ils n'ont pas mis en application leur connaissance et leur science. Alladhina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissaient leurs propres enfants, du fait que la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam était présente dans leur livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés al-maghdoub alayhim, c'est-à-dire ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre eux. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est الضالين, les égarés, qui sont les chrétiens, du fait que eux, ils n'ont aucune science, mais ils œuvrent. Ils œuvrent sans science. Donc le musulman, il faut qu'il se. Il ne faut pas qu'il soit semblable donc à un de ces 2 groupes. Mais le musulman, il faut qu'il ait donc de la science tirée du Coran et de la Sunna, et qu'ils mettent tout cela en application, et surtout pas qu'ils œuvre sans science ou bien qu'il est de la science et n'œuvre pas. ونكتفي بهذا صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين